Avril à Paris. Début avril, je monte à Paris pour le boulot. Tu veux venir avec moi? Faustine est ivre de joie. C'est son tout premier voyage en avion. Pour une fois, maman a donné son feu vert sans objecter. À l'atelier, les commandes sont assurées et l'entre-deux saisons s'annonce plutôt calme. Que Faustine en profite! Sitôt sa journée terminée, la jeune femme se rue à la maison. Elle complète son léger bagage, accorde un soin particulier à sa toilette, ainsi qu'à son maquillage, et en avant toute, dans sa petite auto, direction l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Maxime lui a conseillé de se poser sur le parking longue durée, c'est le moins cher. Quand elle y arrive, elle a de la chance, il reste des places. L'aérogare n'est pas si loin que ça. Renonçant à attendre la navette, elle franchit la distance à pied. Tous les 2 mètres, elle rigole et se dit « J'arrive pas à y croire, je vais prendre l'avion. » Bien entendu, une fois sur place, quand elle retrouve Maxime, elle fait sa grande qui en a vu d'autres et baisse son enthousiasme d'un ton. Son ami n'est pas dupe, mais évite de se moquer. Il aime bien sa spontanéité et accompagne d'autant plus volontiers Faustine dans ses découvertes qu'il en est l'instigateur. Première légère déception. Il faut cheminer sur le tarmac jusqu'à l'avion, puis grimper les marches. Ça se mérite. Faustine pensait ce temps-là révolu. Les films n'étaient-ils pas en noir et blanc, où l'on voyait des célébrités descendre jusqu'au tapis rouge? À l'arrivée, cependant, le salut et le sourire de l'hôtesse récompensent son effort. Comment font-elles pour répéter 175 fois la même chose en gardant ce visage aimable? Installée près du hublot, Faustine, fébrile, observe les bagagistes qui font des prouesses au dehors. Côté couloir, la caravelle d'Air Inter accueille en continu le flot de passagers dont elle s'apprête à partager le sort. Pendant que l'avion en bout de piste attend l'autorisation de décoller, l'hôtesse y va de son petit laïus au milieu de l'indifférence générale. Faustine écoute, c'est son baptême de l'air tout de même. À Nice, la piste a été construite dans une zone partiellement gagnée sur la mer, que l'avion survolera un court instant avant de remonter vers le nord. Cela justifie les démonstrations concernant les gilets de sauvetage en plus des masques à oxygène. Faustine regarde, fascinée, serrant très fort la main de son amant au moment du décollage. Waouh! Comme elle aime cette accélération! Le cœur qui descend dans l'estomac, le saut dans l'espace qui fait soudain sentir le vide sous la carlingue. On devient oiseau. C'est magique. Faustine admire sans réserve le spectacle offert par la baie des Anges, la large embouchure du Var et l'arrière-pays niçois. Elle se retient d'applaudir, se donne une contenance en allumant une cigarette. L'hôtesse passe, propose un choix de boisson. Encore un cadeau! Décidément, on sait vivre dans ces avions. Plus tard, Faustine visite les toilettes. Comme elles sont astucieusement agencées, on n'arrête pas le génie humain, pense-t-elle en inspectant tout ce qui peut l'être. Ils se sont posés à Orly-Sud en un rien de temps. Maxime, un peu fatigué ce soir, a préféré prendre un taxi plutôt que la navette qui relie Orly à l'esplanade des Invalides. Le chauffeur les laisse place Saint-Michel devant la fameuse fontaine. Max a réservé à l'hôtel d'Albe, situé à l'angle des rues de la Harpe et de la Huchette. Il y a ses habitudes. C'est un très beau bâtiment, un peu rustique, comme il les apprécie. Les chambres sont spacieuses, la tuyauterie est bien un peu bavarde, mais l'isolation reste correcte et le service impeccable. Le temps qu'il s'inscrive et récupère les clés de la chambre, il demande à Faustine de l'attendre dehors. Discrétion oblige. Il montra leurs 2 bagages, puis viendra la chercher quand la voie sera libre. Faustine s'installe sur une borne devant l'hôtel. Aussitôt, un jeune homme l'aborde lui proposant un café. Malgré son refus poli, elle a quelque peine à s'en débarrasser. Elle supplie mentalement Maxime de faire vite. Enfin, il arrive. La soirée peut commencer. Tout d'abord, il veut lui montrer leur chambre. Manque de bol, la tôlière veille au grain et déserte son comptoir pile au moment où Faustine se lance dans l'escalier. « Bonsoir, mademoiselle, » lance-t-elle, tonitruante et sévère. Faustine murmure un bonsoir timide en évitant son regard et monte en courant. Max emmène son ami dîner chez Pop Rot, un minuscule bistrot ouvert depuis peu où l'on sert des côtes de bœuf comac. Assis au bar, le couple a quasiment le nez sur la viande qui grésille. C'est dire s'il profite à fond de tous les parfums. Coudes rouges, côtes de bœuf, patates au four, petite salade verte et enfin tarte tatin à se relever la nuit. Au moment de la digestion, Faustine est rattrapée par la fatigue. Les émotions de la journée, son premier voyage en avion ont eu raison d'elle. Heureusement, le trajet du retour jusqu'à leur lit est court. En passant devant le caveau de la Huchette, Maxime guigne sur le programme pour voir qui joue demain soir. Puis ils vont se coucher sans demander leur reste. Cette fois, le gardien ne prête aucune attention à la jeune clandestine qui se glisse dans les draps illico. Un gros câlin célèbre leur première nuit parisienne. Ils s'endorment entrelacés. Le lendemain, dès 6 heures, Maxime se lève pour aller au boulot. Faustine n'étant pas du genre à laisser son homme partir tout seul, le suit. Elle a faim. Ensemble, ils vont prendre leur petit déjeuner au Notre-Dame, plus bas sur les quais. 2 tartines beurrées et une piscine de café. Puis, après avoir fixé un rendez-vous à 18 heures, Maxime rejoint la première station de métro. Il en a expliqué le fonctionnement à Faustine dans les grandes lignes, mais bien sûr, elle n'a pas écouté, trop occupée à le regarder, lui. Une habitude qui lui posera quelques légers problèmes à l'avenir. À 7 heures, Faustine, abandonnée à elle-même devant la fontaine Saint-Michel désertée, hésite sur la direction à prendre. Beaucoup plus tard, la jeune femme transpire dans ses belles bottes trop chaudes pour la saison. Elle a commencé par faire le tour du quartier, marchant entre les flaques laissées par les éboueurs, seuls travailleurs dehors à cette heure indue. Après leur passage, les trottoirs sentent bon le propre. L'eau profite aux herbettes qui poussent entre les pavés. Comme elle, Faustine lève la tête à la recherche du ciel et du soleil. Née au vent, elle admire le haut des bâtiments aux architectures sobres. Immeubles haussmanniens, balcons en fer forgé, les verrières surtout. Atelier d'artiste? Elle s'imagine bourgeoise vivant dans ses appartements, ses maisons, ses hôtels particuliers. Elle aimerait bien savoir ce qui se trame derrière les portes fermées. Qui sont ces humains? Quelle est leur histoire? Comment se sent-on quand on vit dans un si bel édifice? Des gens lui passent devant, appuient sur un bouton. Une porte s'ouvre sous un porche imposant, débouchant sur l'ombre d'un mystérieux corridor. Dans le fond, un ray de lumière. Elle a juste le temps d'entrevoir une porte vitrée, un jardin de fleurs, des orangers en pot. En plein cœur de Paris. Faustine commence par suivre les quais de la Seine. Elle traverse un pont superbe. Alexandre III, dit le panneau. La voilà rue de Rivoli. Elle entre dans un magasin estampillé BHV. Maxime lui dira, c'est le bazar de l'hôtel de ville, une des plus vieilles quincailleries de Paris. Faustine inspecte tous les rayons, s'attardant un moment dans celui des articles de cuisine. Ensuite, changeant carrément de direction, elle poursuit jusqu'à la place de la Concorde, puis remonte les Champs-Élysées en direction de l'Arc de Triomphe qu'elle aperçoit au loin. Là, elle veut traverser direct, en dépit des voitures. Ça se passe bien jusqu'au milieu du rond-point. Mais tout à coup, les conducteurs se mettent à klaxonner tous en même temps. Elle ne triomphe plus du tout, la Faustine, qui ne peut ni avancer ni reculer. Enfin, un chauffeur un peu plus tolérant freine pour se débarrasser d'elle, sans doute, et elle se retrouve saine et sauve sous l'arche. Alors qu'elle admire la tombe du soldat inconnu, un touriste chinois qui a tout vu de son périple lui dit « Tu dois plaindre le passage souterrain là-bas ». Au retour, quai de la Mégisserie, elle se promène dans un marché empli d'oiseaux, d'animaux et de fleurs. Maintenant, il y a du monde partout. Les magasins se remplissent, les premiers touristes clic-clac Kodak acquis mieux-mieux, elle se perd 2 ou 3 fois, tourne en rond avant de se retrouver devant l'hôtel, épuisée, affamée. Prévenues par Maxime qu'ils sortiront tard ce soir, elles montent dans leur chambre faire une longue sieste réparatrice. Elle se passera de manger. Ses moyens se limitent à quelques paquets de cigarettes et sa paye n'a pas suffi à rembourser son billet d'avion. Heureusement, Maxime lui a fait crédit. Ce n'est pas qu'il refuse de l'inviter, mais il ne faudrait pas que sa femme constate un trou trop important dans leur compte. Un peu avant 17h, Faustine se réveille en sursaut, se refait une beauté, puis attend son amant qui ne tarde pas à rentrer. Dès qu'il s'est rafraîchi à son tour, ils ressortent. Que de peuple dans la rue ! Comparé à Grasse où tout est désert après 7h du soir, Paris ne dort jamais. Ils remontent le boulmiche jusqu'au boulevard Saint-Germain, puis redescendent de l'autre côté. Cette fois, Maxime l'introduit dans un univers prodigieux. Gibert Jeune et Gibert Joseph, les deux librairies les plus importantes. Faustine ne sait plus où donner de la tête. Elle nage dans les livres à perte de vue, à ne plus savoir qu'en faire. Des piles d'ouvrages neufs surmontées de leurs copies, d'occasion cette fois. Quel bel exemple de gestion intelligente. Faustine ne sait plus où, mais son œil a surpris dans une petite pièce un homme vidant une valise entière de livres sur une table. Il était sans doute en train de les vendre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ainsi partout ? Fascinée, la jeune femme parcourt tous les rayons, touche à tout, ouvre les volumes, respire les encres, les reliures, les colles, regarde, admire ces gens qui ont la chance de vivre ici, d'y venir tous les jours si tel est leur bon plaisir. Un jour elle sera riche, un jour elle vivra ici, un jour elle s'achètera tous les livres dont elle a envie. Vers 20h, tous les magasins ferment. Il est temps d'aller se sustenter. Maxime a décidé de montrer le mythique Café Procope à sa jeune amie. C'est le plus ancien de Paris. Il date de 1686. Un rendez-vous d'intellectuels, philosophes, écrivains et poètes. Rousseau, Verlaine et Diderot, entre autres, l'ont fréquenté. Maxime s'y sent un peu chez lui. Après tout, c'est un Arménien qui a fondé l'établissement. Faustine est épatée. Quel endroit superbe ! Des banquettes confortables, des miroirs et des dorures partout, ainsi qu'un plateau de fruits de mer dont elle se souviendra d'autant plus que c'est encore une première pour elle. Pendant tout leur dîner, elle raconte sa journée à Maxime, ses découvertes et ses émerveillements. Elle y met un tel enthousiasme qu'il se surprend à redécouvrir sa ville à travers les yeux de sa compagne. Quand ils s'en vont, c'est pour se diriger vers le Marais, encore un quartier de Paris fascinant. Ce soir, Maxime veut montrer à Faustine un endroit très particulier, le Petit Opportun, rue des Lavandières de Sainte-Opportune. Il a pris sa clarinette. Il devance son ami dans les escaliers très raides qui mènent à la cave. En bas, quelques poufs, des sièges, pas des nanas, pas mal de monde et un petit quatuor, contrebasse, batterie, guitare, saxo. Les musicaux sont sympas, la musique est bonne. L'assistance généreuse en applaudissements. Maxime s'éclate. Il est plus de minuit quand il rentre à l'hôtel bras dessus, bras dessous. Cette nuit, les ressorts du sommier chanteront pour nos amants la mélodie de l'amour heureux. Et Faustine, jazz, huître ou champagne, rencontrera enfin l'acmé de son plaisir. Les deux jours suivants, la jeune femme poursuit sa découverte de la capitale. À force de fouler le sol de cette ville, si belle, si riche d'histoire et de culture, elle le sent vibrer sous ses pieds comme un cœur qui palpite. Elle préfère, de loin, les grands magasins au musée et les singes du jardin des plantes à celui de l'Élysée. Après l'effort, le réconfort. Les soirées seront, comme de bien entendu, saturées de bonne bouffe et de jazz. Maxime lui présentera encore le caveau de la Huchette, avec Ignace, son célèbre barman, le Slow Club, ainsi que le petit journal Saint-Michel. Ils n'y restent pas très longtemps, mais ils y reviendront, promet l'amant. Il y a encore tant à voir et à explorer. Au terme de son escapade, Faustine est radieuse, comblée par ses 5 journées débordantes de nouveautés, autant que par ses 4 nuits passionnées. Il est temps de remettre les pieds sur terre.